M'arrêter à cet endroit obligerait les usagers qui me suivent à attendre que je reparte à cause de la ligne continue, ou à franchir la ligne pour me dépasser, les obligeant alors à commettre une infraction. C'est pourquoi l'arrêt et bien sûr le stationnement sont interdits, même si aucun panneau n'est implanté. Réponse B.